montagnes sont bleues tellement elles ont du mal à s'éveiller. Je crois que cette nuit les temps m'a emporté. Je crois que cette nuit mon sexe a joué avec la lune. Et il y avait la lumière un peu de la nuit qui bougeait avec le vent. Et je sentais la lumière un peu qui venait sur mon ventre avec le vent. J'ai caressé mon ventre, j'ai caressé mes seins, j'ai caressé mon sexe. Il m'a transporté là-haut vers les yeux fermés, et il m'a rapporté l'histoire d'un jour où j'étais trois. Un homme, il y avait une femme. Je faisais le milieu, faisais l'amour dans moi. Elle, elle nous réfutait. Lui, il me voulait elle. Moi, je savais que nous venons tous de la vie après la mort. Alors je resterai comme ça, à rêver dans les temps et me battre contre ce qui fait de nous des êtres préjugeants. La tête dans les mains, les oreilles dans le chaos de l'univers.